Chapitre 8e. Déjà, Lady Wrench, arrachant sa fille à Judith, se plaçait au milieu du théâtre et embrassait Zinny face au public dans une classique attitude d'écran et pressait la joue de la petite contre la sienne dans un mélange de boucles d'or et de boucles carottes. « Qu'est-ce que cette peste a fait à la chérie et à sa petite maman ? » dit-elle en fusillant Judith du regard par-dessus la tête de sa fille. « Elle t'a battue parce que tu réclamais maman, n'est-ce pas ? Dis-moi bien tout. » Mais Zinny était déjà toute rassérénée, beaucoup trop absorbée par la contemplation de sa mère, pour prendre garde aux questions dont celle-ci la pressait. Elle faisait glisser sur ses petits doigts la rivière de perles qui tombait en cascade sur la poitrine de Lady Wrench. « C'est des vraies ?» Zinnia dit. « Blanca dit que non. Elle assure qu'elles sont fausses parce qu'elles sont deux fois plus grosses que celles de Joyce. Blanca, elle est ici, où est-elle ? Scopy l'a enfermée. Elle ne peut pas descendre. » Seulement, elle a trouvé la jumelle dans la chambre de Martine, et elle est en train de te regarder avec. Si tu la faisais descendre, Zinnia, elle voudrait voir si tu as le modèle de calot que Joyce vient de commander, parce que Joyce sera furieuse et qu'elle se dépêchera de commander autre chose. Dis, Zinnia. » Lady Wrench s'était calmée aussi vite que sa fille. Elle éclata de rire et embrassa l'enfant, et se tournant vers le jeune homme blond. Qu'en dis-tu, Ranny ? N'est-ce pas que c'est ma vraie fille ? Lord Wrench avait suivi sa femme d'un pas traînant. Debout, les jointures molles, flottant dans son complet de flanelle très lâche, chapeau en arrière, son regard tombait sur sa femme et la fillette de l'altitude où il se trouvait juché sur ses longues jambes et son interminable cou. « Oui, c'est tout à fait toi, » dit-il d'une voix plus haut perchée encore que son feutre. Et sa phrase finit par un petit gloussement qui alla se perdre parmi les toits et les cheminées de la maison. Sa femme se mit à rire à son tour, d'un rire qui survola le sien, et elle se laissa tomber sur le banc, toujours en caressant sa fille. Et Judy, qui avait peur que nous ne venions l'enlever. « Tiens, j'y pense, je ne vous ai pas seulement présenté. Lord Wrench, Judy Water, Mr. Boyne, un ami de Clive. Mais où est Blanca, Judy ? Je ne la vois pas. Fais-la descendre, et Terry aussi. C'est un amour, celui-là. Je suis leur belle-mère, après tout. » « Je la suis. Ou enfin, je l'étais. »« Monsieur Boyne, est-ce que Blanca est toujours une beauté ? S'il avait un peu plus de chien, je suis sûr que j'en ferais quelque chose à l'écran. »« Ah, la voici. » Judith revenait en effet avec sa petite sœur. Celle-ci ouvrait de grands yeux, pour mieux voir son ancienne belle-mère, tout en se raidissant pour ne rien trahir du désir qu'elle avait de faire l'inventaire de la toilette et des bijoux de la marquise. Miss Cope formait l'arrière-garde, équipée comme pour la bataille, les mains cuirassées de fil gris et serrant son parapluie en arrêt comme une lance. « Bonjour Blanca, tu vas bien ? Comme te voilà grande ! Tu vas faire tourner des têtes ! C'est dommage que tu sois une perche, mais enfin, tu l'as toujours été, n'est-ce pas, Judy ? Te voilà une petite femme à présent. Allons, Blanca, une poignée de main. Laisse-moi te présenter à mon mari. Ranny, voilà Blanca qui venait chez nous avec Terry et Judy quand j'étais la femme de Clive. « Eh bien, Blanca, où est Terry ? Qu'est-ce qui l'empêche de descendre ? J'aurais tant de plaisir à le voir. » « Terry prend sa leçon avec le précepteur, » dit Blanca d'un air magnifique, sans détacher toutefois ses yeux une seconde de la lumineuse personne de son ancienne belle-mère. « Mais il a dit qu'il ne se serait pas dérangé même s'il avait eu le temps, » dit Zinny en jetant un regard malicieux à sa mère. Il dit qu'il n'est pas indiscret comme Blanca et qu'il ne peut pas perdre son temps toutes les fois qu'il arrive une visite pour les baies. « Je vois que le précepteur ne lui aura pas appris les bonnes manières, » fit la marquise, tandis que Miss Cope reprenait sa plus jeune élève. « Vous vous êtes encore trompée sur ce mot, Zinny. On dit indiscret. Vous êtes assez grande pour vous mettre à parler correctement. » « Non, je ne suis pas assez grande, à moins que Bun et Beachy ne s'y mettent en même temps, » répliqua Zinny. Béatrice et Astoret sont étrangers, dit sévèrement l'institutrice. Et vous donc ? Vous n'êtes pas une vraie américaine comme nous autres, étrangère vous-même ? Judith intervint. Je vous avertis que les enfants mal élevés ne feront pas aujourd'hui de promenade en bateau. Zinny, si tu ne fais pas tout de suite des excuses à Miss Cope, tu resteras ici avec Nounou. Des excuses ? Je te le défends bien, Zinny. Tu viendras en gondole avec ta maman et le mari de ta maman, déclara triomphalement Lady Wrench. Mais la physionomie mobile de la petite s'était subitement altérée. Elle se détacha des bras de sa mère, glissa à terre et courut vers l'institutrice dont elle prit avec tendresse une main gantée de coton gris. « Scopy, dis que je ne suis pas une petite fille mal élevée. Je ne veux pas du tout m'en aller sur une vieille gondole. Je veux me promener sur le bateau de papa. » Lord Wrench, à cette palinodie, émit de nouveaux gloussements d'approbation. « Parbleu, elle ne perd pas la carte, la petite. Pas de doute, Zinnia, c'est bien ta fille. » Cependant, la marquise prenait de grands airs. « Dirait-on pas que je ne peux pas avoir un yacht, moi aussi? Et dès demain, si ça me plaît? Et qu'est-ce qui m'empêchera d'aller jeter ma fumée au nez de ce vieux rafio dont Clive fait ses embarras ?» Et elle se prépara à faire une sortie de reine offensée. Mais Blanca s'approchait et levait vers elle un regard extasié. « Oh, cette robe, Zinnia, quel amour! Je crois que c'est la plus jolie que je t'ai jamais vue. Est-ce qu'elle vient de cette maison russe dont maman parle toujours et où c'est si difficile de se faire servir parce qu'on refuse la clientèle ?» L'étoile laissa tomber sur l'enfant un regard attendri. « Tu es une fine mouche, toi, tu as vu ça ?»« Eh bien, c'est vrai, tu as deviné. Mais ta mère aurait beau se faire inscrire, elle ne pourrait pas se procurer ce modèle, parce que c'est une robe que le grand-duc Anastase a composée exprès pour moi. Et j'ai son engagement signé, que c'est la seule façon qui sera faite sur ce patron. » « Regarde un peu ce biais sur les épaules. N'importe qui peut se payer un yacht, ce n'est pas difficile. Mais les femmes pour qui le grand-duc Anastase se donne la peine de composer un modèle, on les compte sur les doigts d'une seule main, et encore, on peut replier deux des doigts et le pouce. » Cependant, Lord Wrench balançait son interminable corps d'une jambe sur l'autre et donnait des signes d'impatience. Elle se prépara à le suivre. « Au revoir, ma chérie. La prochaine fois, tu me verras arriver sur ma 2000 tonneaux, à moteur au mazout. Mais j'y pense. Rennie, mon petit sac. Je dois avoir dedans des caramels pour la petite. » Elle revint et se mit à fouiller dans son réticule. Après un sondage consciencieux, on en vit sortir, parmi un fouillis de cigarettes et de billets de banque, une chaîne d'or et de petites perles. « Tiens, Zinni, mets ça à ton cou et dis à Blanca de regarder les perles au microscope. Elle te dira si elles sont fausses comme celles de ta maman. » Blanca pâlit. « Zinnia, s'écria-t-elle, je n'ai jamais dit que tes perles étaient fausses. C'est cette petite peste qui est une menteuse. Tout ce que je dis, c'est que de loin, je ne pouvais rien garantir. » « Va, ma petite, ne t'en dédie pas. Tu étais sûre que les reines de l'écran ne portent pas d'imitation. Apprends ça, ma petite. Parce que si on leur vole un collier, elles trouvent le lendemain à le remplacer par un autre. Tu peux le dire de ma part à Madame Water numéro 3. Et ne me regarde pas comme si je te faisais peur. Je ne te veux pas de mal. » Elle tira de son sac un petit paquet. « Tiens, voilà une bague que je t'ai apportée. Tu peux la faire expertiser, » ajouta-t-elle en jetant le petit carton dans la main de l'enfant. Blanca, pâle de plaisir, souleva le couvercle qui découvrit à son œil déjà instruit un petit rubis serti de brillants. Elle cueillit le bijou avec un petit cri de ravissement et le glissa à son doigt en enfouissant l'écrin dans une poche de son chandail. « Quand je fais des cadeaux, moi, je ne vais pas les chercher au rayon à 2 sous, » souligna Lady Wrench avec un geste d'adieu. « Au revoir, tout le monde. On se reverra peut-être bientôt au bord des fleuves amères. Nous sommes venus passer notre lune de miel au Lido, et peut-être que vous y viendrez pour vous baigner. C'est déjà presque aussi gai qu'au mois d'août. Tout le monde chic se dispute les tentes. Le duc de Mandip a celle à côté de la nôtre. C'est l'ami intime de Rennie, vous savez. Bonsoir, Judy. Bonsoir, Monsieur Boyne. J'espère que vous nous ferez le plaisir de dîner un soir au palace avec le duc et moi. Demandez la marquise de Wrench. N'oubliez pas. » Elle disparut dans un scintillement de perles et de rire, laissant les deux petites en contemplation devant leurs bijoux jusqu'à ce que l'institutrice les fît en rentrer pour s'habiller en attendant le canot qui devait venir les prendre. Les enfants partis, Judith resta encore un moment au jardin avec Boyne. Ses traits, si tendus pendant la visite de l'actrice, avaient repris leur bon petit air d'enfant un peu boudeur. « Voilà qui est fait, c'est fini, » dit Boyne en jetant sa cigarette d'un geste qui symbolisait l'expulsion des intrus. « Bah, » reprit-elle, « Zinnia n'est pas une méchante femme. Elle parle un peu fort, mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Et puis, je commence à avoir l'habitude des scènes. Quand on a 7 enfants et un tas de parents, il y a toujours des batailles. Mais cette pauvre Zinnia vaut mieux qu'elle en a l'air. Elle se tut, puis, n'y tenant plus. Avez-vous vu comment cette Blanca m'a subtilisé mon cadeau? C'est pour cela qu'elle est descendue faire sa cour à Zinnia. Ce vieux modèle de calot, faire semblant de le prendre pour une robe d'Anastase, quelle misère! Cette Blanca, il n'y a pas de platitude qui lui coûte. Ses yeux s'étaient remplis de larmes enfantines, mais déjà, elle secouait la tête et ajoutait fièrement. Et puis je m'en moque. Je suis trop grande pour me soucier de ces bagatelles. Seulement, j'ai bien vu mes initiales sur l'écrin.